Bonjour monsieur, je téléphone à propos de l'appartement à louer rue Couperin. Je peux vous poser quelques questions ? Oui, bien sûr. L'appartement fait quelle surface exactement ? Il fait 52 mètres carrés. C'est un bel appartement récent. Il y a combien de pièces ? 3 pièces au total, plus une cuisine et une salle de bain. L'appartement donne sur la rue ? Non, il donne sur un petit jardin. C'est charmant et très calme. Il est chauffé au gaz ou à l'électricité ? Il est chauffé à l'électricité, monsieur.